Les découvertes musicales de Fadjet. Après un premier single, Big Bad Dream, paru en juin dernier, Hansouz est de retour avec un nouveau titre. Voici Ombre et Lumière sur Fadjet. Une chape de brouillard s'est répandue. On n'y voit plus très clair, t'as vu. Des gens disent qu'on est tous foutus, mais je n'y crois pas. Regarde, je veux te montrer ce que je vois. Il suffit d'un autre regard pour voir au-delà d'un décor. Je serai ton phare. Ombre et lumière s'entremêlent dans une folle danse. Dans ce semblant de querelle, tu t'y perds et brûles tes ailes. Ombre et lumière, cette nuit ouvre le bal sur terre. Dans l'inédiente éterne, perçois pas ce qu'elle révèle. Les gentils et les méchants d'un côté. Oh mon Dieu, la guerre est déclarée. Et dis-moi, tu ne crois que ce que tu vois. Ce que disent les seigneurs et les rois. Ils penseront beaucoup mieux pour toi. À toi de voir. L'objet miroitait un enfer. Observe, lève-toi et relève la tête. Devant toi se dresse la bête. Fais face et plonge dans son regard. À présent tu ne peux plus craindre le noir. Ombre et lumière s'entremêlent dans une folle danse. Dans ce monde encore. Tu t'y perds et brûles tes ailes. Ombre et lumière, cette nuit ouvre le bal sur terre. Dans l'illusion, tu t'y mêles. Passe à côté de l'essentiel. Dans nos ombres, on fait lumière, ça va de pair. À présent, tout s'éclaire. C'était Ombre et Lumière de Hansouz dans les découvertes musicales. Plus d'infos, www.fadjet.net.